Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du livre de Québec. Nous sommes installés ici devant l'entrée. J'ai déjà les premiers invités avec moi. C'est la fébrilité. Il y a plein de monde. Ça a commencé ce matin. Et bon, j'ai Marie Laberge avec moi. Bonjour, Marie Laberge. Bonjour. La troisième fois présidente d'honneur. Oui, madame. Ça commence à être une carrière à part entière. Ben, c'est pas tout à fait ça, mais c'est certainement un honneur à part entière, ça c'est sûr. Pour vous, le salon, vos attentes au salon de 2014, c'est quoi vos attentes, vos points forts? Il y a déjà une programmation qui est absolument extraordinaire. Il y a déjà un nombre d'écrivains qui est assez hors du commun. En tout cas, avec 1100, on ne peut pas dire que le salon va être désert. Hein? Non. Alors, on attend les gens qui aiment lire de tout. Oui. Moi, tout ce que j'espère, c'est que les gens trouvent leur bonheur, pas juste en ayant des livres, mais en ayant des rencontres, en écoutant aussi les tables rondes, les interviews, les rencontres. Pour moi, c'est une fête de communication. Quand on arrive au Salon du livre, c'est beau. Oui. Et c'est chargé de rêves, parce que chaque livre est un rêve possible. Mais en plus, il y a des gens. Puis il y a des gens, on est là pour se parler. En fait, j'ai toujours dit que c'est une activité qui se fait tout seul écrire. C'est une activité qui se fait pas mal tout seul lire. Mm-hmm. Puis à un moment donné, on est deux. Oui. On est deux. On a un écrivain, puis on a un lecteur. Et là, les deux peuvent se parler. Mais dans la lecture, on est déjà deux. On est déjà deux, mais c'est notre esprit qui interprète les mots d'un autre. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est souverain. OK, oui, de ce point de vue-là, oui. Parce que moi, je me sens toujours en communion avec un auteur quand je lis. Mon point de vue, l'écrivain. Ça, c'est l'espoir de l'écrivain. Ça, c'est notre espoir. C'est pour ça qu'on revient à certains auteurs et pas à d'autres, parce qu'on ne sent pas cette communion-là. Oui, ou parce que ça nous a entraînés dans un bonheur terrible. C'est quoi votre rôle comme présidente d'honneur? Je vois ça passer. C'est une question que je n'ai jamais posée. Là. Je me suis dit, je vous la pose. Ben, c'est de représenter littéralement tout ce qui va se faire ici. C'est d'être la figure écrivaine qui dit, voilà, je représente tous les écrivains. Je suis moi, mais je suis tout le monde. Je suis moi et je suis cet acte de solitude et aussi de communication qui est l'écriture. C'est être là, je trouve toujours que c'est extrêmement... C'est très chanceux de pouvoir être la présidente d'honneur. C'est quelque chose, c'est un beau cadeau. Oui, c'est une belle visibilité aussi. Oui, mais c'est aussi... c'est drôle parce que ça provoque toujours des sourires. Oh, allô! Les gens vont comme, oh, allô, t'es là, c'est parfait, t'es supposée être là. Alors, c'est comme devenir la figure emblématique de l'écriture. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur pour un écrivain qui passe sa vie à écrire et puis à s'enfermer pour écrire. C'est vrai, mais... Là, vous avez quand même écrit à deux, je pense, à votre projet, Martha. À deux? Bien, parce que vous répondiez dans les lettres. Pour moi, c'était comme une écriture à deux, votre projet épistolaire. Il n'y avait pas de réponse. C'était comme un roman, sauf qu'il était livré par la poste au lecteur. Le lecteur décachetait son roman, mais il n'y avait pas une interaction. Oh, je pensais qu'il y avait une interaction. Oh, mon Dieu. Je trouvais ça tellement 100 000 beau. Abonnés, vous pensez que je pouvais faire ça? C'est pas humainement je pensais possible. Je pensais qu'il y avait comme un choix avec certaines personnes. J'avais vraiment mal compris le projet. Je suis vraiment... Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est justement de rectifier la chose pour tout le monde. Parce que je ne l'ai pas suivi, ce projet-là, parce que c'était une époque où j'étais un peu plus loin. D'accord. Milieu de livre. Et je voyais passer ça et je trouvais ça tellement beau. J'étais là comme, oh, mon Dieu! Mais remarquez que c'était quand même quelque chose d'assez rare. Recevoir un roman par la poste à tous les 15 jours, c'était quelque chose de formidable. Excusez-moi, je pense que j'ai pas parlé à la bonne place dans le micro. J'espère que vous m'avez pas perdu. Mais non, pas trop. qu'est-ce que vous préférez dans les salons du livre, à part la rencontre avec les gens? C'est quoi? Il y a souvent des surprises, vous savez. Il y a souvent des tables rondes ou des. On assiste à des discussions sur différents sujets, mais aussi sur différents livres. Et souvent, je suis étonnée de voir d'abord peut-être que quelqu'un fait exactement la même chose que moi ou fait exactement le contraire de ce que je fais. On ne sait jamais c'est quoi les secrets d'alcôve de l'écriture. Alors évidemment, on en apprend des bouts. Et moi, je suis toujours étonnée de voir la diversité des approches, la diversité des points de vue qui mènent tous à une chose qui s'appelle un livre. Oui. Et ça aussi, c'est multiple. C'est pas pour rien qu'il y a des lecteurs qui sont fous de certains auteurs et que d'autres peuvent pas les supporter. C'est parce que ça varie énormément. Et cette variété-là est tout le temps riche, est tout le temps féconde. Mm-hmm. Et moi, j'aime beaucoup ces échanges-là, d'abord pour voir les différences et puis pour les apprécier et puis pour les comparer à mes propres convictions. Bien sûr. Est-ce que vous découvrez aussi des livres. Nous, on vient comme lecteurs pour découvrir aussi des nouveaux auteurs, des livres. Est-ce que ça vous arrive écrivain? Oui, toujours je découvre des nouveaux auteurs et bien sûr des livres qui vont avec eux. Mais ça passe souvent par l'auteur dans le salon du livre parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Comme pour nous, comme lecteurs. Oui, mais vous savez, tous les écrivains sont aussi, enfin, je l'espère, des lecteurs. Ça, c'était ma deuxième question. Qu'est-ce que vous lisez présentement? C'est quoi votre lecture du moment? Qu'est-ce qui vous branche, vous, là, maintenant, comme lectrice? Je suis en train de lire le livre des témoignages qui ont été faits sur Sylvain Lelièvre. Oui. Le très, très beau livre de l'instant même, parce que d'abord, c'est un artiste que j'ai adoré et que j'aime toujours, puisque j'écoute encore ses chansons. Mais là, j'aimais beaucoup lire ça. Et c'est bien parce que c'est comme assuré en 100 témoignages. Mm-hmm. Et c'est parfait pour le genre de lecture assurée que j'ai pour l'instant. Parce que je ne peux pas m'embarquer dans un roman et pouvoir plonger en toute liberté. Non, pas pendant qu'on est présidente d'honneur du salon. Hein, quand on est présidente d'honneur, on y va par petits bouts. Et ce livre-là, il est parfait pour moi. Parce qu'il me remet en contact avec quelqu'un que j'aime. Oui. Et il me montre à quel point il a été aimé et à quel point il continue à être aimé. Et c'est vraiment très important pour moi. Les gens que j'aime, un homme comme Tchekhov, pour moi, ne mourra jamais dans moi. Mais je voudrais ne pas être la seule à faire brûler son petit lampion. Et pour moi, le livre qui a été fait sur Sylvain Lelièvre est un livre qui donne ça aussi. Il donne sa petite lumière à lui. Sa force à lui. Vous avez son frère tout ému, assis à côté. Il y a bien raison, Denis, moi. T'as l'air content, Denis. Il y a bien raison. Aujourd'hui, vous allez être... c'est déjà parti pour vous, les activités. Où est-ce qu'on peut vous voir aujourd'hui? Alors, je vais signer au Stand de Québec Amérique. Excusez-moi, pendant que je sais qu'il y a une rencontre d'auteurs. Oui, je vais faire une rencontre à 16h30. Oui, sur la grande scène Archambault. Voilà. Quand on rentre dans le fond, tout au fond, à droite. C'est gentil de me le dire parce que je l'aurais peut-être cherché, moi. Moi, je l'ai regardé sur le plan. OK, c'est bon. Et puis ça, c'est autour de mon dernier-né, Mauvaise foi. Oui. Et puis après ça, il y aura la vraie cérémonie d'ouverture. C'est ouvert, il y a des gens. À 18h. Mais à 18h, on fait l'espèce de... On fait ça officiel. Oui. On fait ça avec ruban et discours. Oh, et c'est vous qui... c'est à vous de faire le discours ou il y en a plusieurs? Je vais faire un bonjour, mais il y a plusieurs bonjours. Hein, je ne suis pas la seule à dire bonjour. On va être là. Tous ceux qui ont travaillé très, très fort pour que ce salon soit là et soit aussi beau qu'il l'est vont être là. Il faut le souligner, hein. Ils ont commencé, je pense, hier matin de monter tout ça. Ça se fait à une vitesse folle. C'est tout le temps pareil. C'est toujours une espèce de pari impossible. Et puis on arrive le matin et tout à coup, poup, c'est tenu. Il y a un salon. Le pari est tenu. Oui. Je vous remercie. Ce fut un grand plaisir. Pour et je vous souhaite vraiment un très beau salon. Merci beaucoup. Thank you. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord par Brink au microphone sur les ondes de CKRL, l'émission spéciale du Salon du Livre. Je suis accompagnée de Denis Lelièvre. Salut, ça va? Ça va certainement, ça va très bien. Ça va bien. Et je t'avais demandé de me revenir avec, pour toi, là, le salon, là, qu'est-ce que tu as le goût de voir? Qu'est-ce qui va être ton salon? Ben, c'est-à-dire, moi, avant de penser à des écrivains en particulier, ce que j'aime, c'est un peu comme la conception d'une programmation à CKRL ou d'un festival, c'est de sentir qu'il y a une vision, un fil conducteur. Donc, j'aime beaucoup l'articulation, les grandes parties. Donc, par exemple, il y a, depuis quelques années, un pays ou plusieurs pays qui sont mis à l'honneur. Et il y a toujours un volet international. Ça me plaît en particulier. L'espace de la diversité, c'est là depuis 4 ou 5 ans. Ça, je trouve ça extrêmement important en littérature et pour nous de nous ouvrir à l'ailleurs, à d'autres. Et quand je parlais de pays en particulier, il y a une délégation fort importante, comme il y en a eu d'Haïti, par exemple, il y a 4 ans, du Sénégal. Donc, possibilité de connaître davantage des écrivains qui publient, entre autres ici, chez Mémoire d'Encrier, Léonora Miano, Cameroun-France, Émilie Prophète d'Haïti, que nous avons déjà reçue il y a 2 ans. Et donc, dans cet espace de la diversité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms intéressants. Alors, il y a toute une délégation du Sénégal qu'on présente sous le thème « L'univers du mot ». Et là, il y a beaucoup d'écrivains que nous ne connaissons pas nécessairement. Mais qu'on peut rencontrer, qui sont très sur connus, place. Qu'on peut rencontrer, qui ont publié chez eux, mais aussi chez des grands éditeurs français. Maintenant, il y a, évidemment, je pourrais terminer avec ça, des remises de prix, plus nombreuses qu'on peut le penser. Ouais. Par exemple, un prix scientifique, un prix de telle maison d'édition. Autour du prix scientifique, je pense qu'il y a même une table ronde. C'est quoi écrire Exactement. Scientifiquement? C'est super intéressant. C'est super en tout cas, moi, intéressant. Ça, c'était quelque chose où j'ai fait « Ah, wow! » Ou des tables rondes, par exemple, sur la jeunesse. Comme demain matin, jeudi à 9h, la première radio web. Ça, c'est aussi contemporain que CKRL, c'est en plus. Oui, ben, c'est notre avenir, peut-être. C'est notre avenir. Et puis, il y a par exemple, je saute comme ça, une table ronde, dialogue, écrire pour vivre, avec deux des femmes écrivaines poètes les plus accomplies, Hélène Dorion, qui vient tout juste de publier « Recommencement », qui est une œuvre magnifique chez Druide. Qu'on va recevoir samedi. Je le souhaite, et c'est normal. Ben oui. Et Louise Dupré. Les deux ont écrit avec son album multicolore, qui est magnifique. Elle aussi, je vais la recevoir, et je regrette que je ne les reçois pas en même temps, parce que les sujets se croisent. Et je ne le savais pas quand j'ai réservé tout ça. Vraiment très, très beau livre. Il y a des tables rondes à caractère, bien sûr, plus poétique, comme par exemple, samedi à 15h, Avoir 20 ans au Québec, on se raconte quelle histoire? Et là, on va avoir Mathieu Bock-Côté, que j'avais reçu, que nous avions reçu il y a 2 ans. Et qui n'a plus 20 ans. Que j'adore, mais qui aime les jeunes. Et qui vient de faire paraître avec Jacques Godbout un dialogue extraordinaire. Et, bien sûr, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait paraître Tenir tête, Luxe. Et je trouve que c'est plus pertinent que jamais au lendemain de l'élection que nous venons de vivre, quel qu'en soit le résultat. Il faut regarder vers l'avenir. Il faut regarder vers l'avant. Oui. Il y en a une où nous retrouvons à nouveau Louise Dupré. Samedi toujours, de l'écriture romanesque à l'écriture théâtrale. Hein? Parce que ça se fait de plus en plus. Oui. On adapte des romans, des récits au théâtre. Ben, les liaisons dangereuses, par exemple. C'est un classique. Oui. Et des gens d'ici, par exemple, avec Larry Tremblay ou encore Louise Dupré. Et puis, voilà, ça va ainsi. Il y a Andrea Michaud, qui est une des romancières que j'aime le plus ici au Québec. Et qui a vécu longtemps ici à Québec. Tout à fait, qui vient publier Bondré E chez Québec Amérique. Ah, il y a aussi toujours... Les prix, il y a les prix. Les prix, oui, les prix. Les prix. Parce que, bon, il y en a un où je suis un petit peu impliquée. Ah mais... oui, tu es sur le jury, oui, chère oui. Amie. Oui, oui, oui, j'étais sur un jury, moi. Ah, ben ça, c'est bon. Mais dites pas lequel. Non, tu devineras. Dites pas lequel. Alors, on va y aller. Je tourne les pages de ce magnifique programme. Parce que ça, c'est jeudi pour les prix. Bon, il y a en même temps aussi, évidemment, le festival de la BD. De la BD. Ça, c'est toujours ici, sur place. La remise des prix. Oui, deux prix de création littéraire pour les auteurs de Québec. Ça a déjà été remis. Oui, à Hans-Jürgen Greif, qu'on va recevoir dimanche. Il y a toujours la remise du prix littéraire des collégiens, édition 2014. Ça, c'est jeudi, je pense. Hein? Oui, et ça, c'est la 11e année. Et ensuite de ça, il y a une remise des prix du livre politique, Assemblée nationale du Québec, un autre beau choix. Ça n'en finit plus. En présence de Mme Marie-Claire Blais, ça c'est très important, remise du prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. Oui, et cette année, elle va 2014. Être là parce que les autres années, elle n'était pas là. Voilà. Le prix Hubert-Reeves. Nous parlions de science, c'est le prix Hubert-Reeves. Évidemment, lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il est remis. Oui, pour la valorisation d'ouvrages scientifiques. Et je lisais vulgarisation, mais c'était aussi son art, oui. Sa force et son habileté. Ben oui. En général, on remet des prix à des gens qui ont été capables de faire ça. Ah, et il y a le prix Alibi. Oui. Et c'est celui-là. Moi, je vais être à la remise du prix. Je fais partie du jury. Oui, ça c'est la nouvelle policière qui est primée à chaque année. Et vous savez que j'aime beaucoup les sorties culturelles le soir, ah, oui. La poésie, le jazz. Ce qui est très intéressant depuis quelques années, c'est ça. Il y a Québec la Muse, d'accord? Et c'est toujours entrée libre et ça a lieu, entre autres, au Café Thiouville du Palais Montcalm. Mais quand c'est un petit peu plus olé-olé ou jazzé-jazzé, comme le Largo n'est toujours pas réouvert, il va réouvrir. Ça se fait au, à la Salsa, coin René Lévesque, rue Cartier. Alors, jazz et poésie, c'est dès ce soir. Je pense, non, attendez, il y a tellement de trucs. Non, c'est samedi en particulier. C'est un très beau regroupement. Jean-Marc Dejean, qui est un des poètes les plus actifs depuis 30 ans. Isabelle Forêt. Qui est la directrice du printemps des poètes, exactement. Oui. Directrice une auteure, un auteur du Sénégal, Abdoulaye Fodé Ndione, et Louis-Philippe Hébert, qui est un de mes écrivains québécois préférés, toujours un petit peu marginal, et qui alterne, lui, roman et poésie. Il vient publier à La Grenouillère un petit recueil de poésie qui s'appelle Monsieur Blaquière. Et c'est un excellent lecteur, d'ailleurs. La soirée... il y a une soirée slam de Québec. Le même soir, à la salle... On ne saura plus où se mettre, hein? On ne sait plus, oui, où se mettre. Il y a aussi... Alors là, nous retrouvons Catherine Dorion, André Marceau, qui est un spécialiste du domaine, DJ Patin, qui est Raphaël Simard, Césure, qui est un slameur, Sylvie Nicolas, qui est une écrivaine incroyable. Oui, écoute, la vive voix avec Jean Désy, on ne peut pas cracher dessus non plus samedi soir. Non, et vraiment, là, toute une programmation. Et puis ça, quand on vient ici, c'est un petit dépliant séparé à part. Donc, ça peut nous aider. Ça n'existait pas. Il n'était pas séparé comme ça, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on peut le mettre dans son sac. Et on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas voir? Parce que tu vas nous revenir demain. Je vais peut-être attendre. Mais je vais peut-être attendre à demain avant de voir davantage. De dévoiler. Parce que c'est ça. Il y a des. Il y a toujours mon émission régulière qui est le jeudi matin. Donc j'ai un ou deux livres à terminer de lire cet après-midi. Entre autres, je reçois Armel Job, qui est ce grand écrivain belge. Alors, je suis là-dedans cet après-midi, entre autres. Mais à partir de demain, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Par exemple, Serge-Patrice Thibaudeau, qui est un écrivain qui représente l'Acadie. Qui est invité d'honneur. Qui est vraiment... si les gens sont un peu perdus, quels sont les poètes après Miron et même quelques autres, mm-hmm. c'est un des poètes les plus importants des 30 dernières années, à la fois en termes de continuité, de qualité, de propos, tout ça. Mm-hmm. Bien, je te remercie. Et on va faire une petite pause musicale et on revient avec Alain Beaulieu, que je vois déjà, qui nous attend là. Merci, Denis Lelièvre. Merci. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, en direct du Salon du livre. On est devant les portes, il y a plein de monde, ça vit ici autour. Je suis avec Alain Beaulieu. Bonjour Alain. Allô, allô. On s'est vu il y a quoi, 10 jours, au lancement de ton dernier bébé, ça. Le festin de Salomé. Voilà, il y a deux semaines. Il est très beau, hein? Le, il est très, très beau. Je parle de tout. Je parle de tout, tout, tout. J'ai adoré ce livre-là. C'est vrai. Je m'étais donné comme but pour les 30 personnes que j'invite que je lis au moins la moitié de chaque livre. Ouais. Le tien, je l'ai lu au complet. C'est vrai. Bon. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est bon aussi. C'est bon. Oui, c'est excellent. C'est bon aussi. C'est excellent. C'est un voyage qui est dans ce livre-là, mais c'est aussi ton retour au Québec. Hein? Oui, c'est mon retour. Dans les trois derniers livres, tu es allé loin pour remonter... Voilà, je suis passé par l'Amérique centrale avec le postier Pessila. Après ça, je suis remonté avec... Que j'ai moins aimé, je t'avoue. Là. Ouais, t'as le droit. Moi, je te trouvais trop loin. Moi, je t'aime plus proche de nous. Oh, oui, c'est ça. Et puis, après ça, quelque part en Amérique, où on est remonté effectivement par les États-Unis. Tu peux nous dire et que t'as moins aimé aussi. Non, j'aimais bien les petits flirts avec Kerouac. Ouais, j'aimais bien. Il y avait ça, oui, c'était un peu un road novel, voilà, c'est ça. On était un peu dans ça. Puis là, je suis revenu effectivement à Québec avec tout ce que ça veut dire de rentrer chez soi après un long voyage. On a l'impression d'être un peu d'ailleurs et d'ici et d'ailleurs en même temps. Puis peut-être une perte de repères aussi. C'est un roman où il y a ça un peu, là, c'est-à-dire je pense pas mal. Là, ça, c'est une de mes questions. Pour toi, est-ce qu'être Québécois, ça veut dire être perdu? On est un peu dans l'actualité aussi. Parce que moi, j'ai lu ça et je le trouve très perdu. Non, l'héros est très perdu. Oui, il est très perdu. Et il est bien perdu. Oui, hein? Oui, tout à fait. C'est à la fois... On peut regarder ça d'un œil différent. C'est-à-dire quand on le regarde du côté plus intime, mais... Je pense que c'est une réflexion sur, effectivement, ce qui fait que dans la vie, on devient ce qu'on est, puis etc. Puis parfois, on a l'impression que... On en a échappé des bouts, tu sais, bon, ça. Mais effectivement, si on y donne une dimension un petit peu plus collective, ça, moi, je considère qu'on est assez perdu. Je considère qu'on est assez perdu, c'est-à-dire qu'on a... On a une attitude bicéphale par rapport à notre réalité culturelle, notre réalité politique, on l'a vu, effectivement, récemment. Mais ça va ensemble aussi. Oui, ça va ensemble, c'est ça. Tout ça est lié... On veut être autonome, on veut être d'une certaine manière indépendant par rapport aux autres, mais jamais complètement capable d'assumer ça jusqu'au bout aussi. Non, je pense que c'est... évidemment, j'ai pas écrit ça avec ce plan-là en tête. Non, du tout. Mais tu sais, on se rend compte que, ben oui, on est formé à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on est aussi. Puis voilà, il y a un peu de ça dans le roman. Et il y a aussi que, justement, tu en parles, là, de l'autonomie. Il suit tout le temps quelqu'un. Lui, il n'est pas autonome du tout, là. Ah, mais c'est-à-dire pas que du c'est tout, toujours du les tout, autres du qui tout. Décident pour lui. En tout cas, il va éventuellement le devenir, mais... mettons que... Parce que il y a la construction de ton livre que je trouve très... audacieuse d'une certaine manière. D'abord, on te voit toi. Oui. Est-ce que c'est la première fois, il me semble que... Oui, c'est la première fois que j'utilise mon nom. En fait, j'avais un alter ego. Là, quand j'avais besoin d'un personnage écrivain, c'était Samy Martel qui arrivait. Oui, là, donc, j'avais un alter ego. Mais là, d'ailleurs, dans la première version, c'était Samy Martel qui était là aussi, comme représentation de l'écrivain. Puis, à un moment donné, non. Mon nom est apparu, effectivement, dans le roman, comme c'est-à-dire d'assumer... Ben, la mise en abîme jusqu'au bout, là, c'est-à-dire... De m'amuser avec ça aussi, hein. Est-ce que tu étais conscient que tu étais en train de construire quelque chose de très particulier avec tes tableaux où on se promène? Parce que, bon, l'histoire est une histoire assez burlesque. Oui. Je pense que c'est vraiment le mot de ce personnage qui va suivre une jeune femme. Et il va se retrouver dans une machine où il va se faire gazer pour se ramasser dans un autre monde. Et de ce monde, il va se promener de monde en monde sans se trouver et sans retrouver ses repères. Oui. Je pense que comme résumé, c'est bien. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile parce que c'est pour ça que je l'ai lu jusqu'au bout, parce que je me demandais, mais ça s'en va où? Je te l'avais dit, l'avais commencé. Tout à fait. Mais c'est tout à fait assumé, en tout cas. Je sais pas si j'en avais le projet au départ quand j'ai commencé à écrire, là. Je suis pas si convaincu de ça. J'étais pas capable d'avoir une idée. Tu sais, j'avais pas une image. Tu fais pas de plan. Non, c'était pas dans ça du tout. Mais je savais que ça irait nulle part. C'est-à-dire, c'était assumé que ce personnage-là irait nulle part parce que c'était la base de ce que je voulais raconter, dans le fond. Mm-hmm. Un personnage, donc d'amener le lecteur aussi à suivre un personnage, chaque fois se dire, OK, on s'en va là, puis finalement se rendre compte que c'est pas là qu'on s'en va du tout, on s'en va ailleurs. Ça, c'était ça le défi. Là. Ça fait que le personnage aussi perdu qu'il est, c'est lui qui t'a amené. Bien, lui, il était très perdu. Est-ce que ça veut dire que moi, je le suis? Je ne sais pas. Certainement moins que lui, en tout cas. Bien, ça m'a l'air que pas mal moins que lui, parce que tu as mené ça à bien. Ça. Mais après ça, il faut que le lecteur accepte, lui aussi, de se perdre. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que le roman est un peu plus exigeant pour le lecteur. C'est-à-dire que ça prend un lecteur qui dit, OK, là, je vais me faire mener en bateau, là, puis j'accepte. C'est, j'accepte que c'est pas moi qui conduis le bateau, puis le bateau, je sais pas où on s'en va non plus avec. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, de me faire mener comme ça. Ouais. Et je l'avais pas vu venir, ta mise en abîme à la fin. Ouais. Parce que toi, à partir... Bon, ça, c'est une autre question. Est-ce que tu te fais un plan avant? Non, pas du tout. Toi, tu t'assois et ça sort comme ça. Pour mes derniers romans, là, habituellement, dans les premiers romans que j'ai écrits, j'avais un plan pour à peu près la moitié du roman. C'est-à-dire que ça me prenait un plan pour décoller, pour partir. Okay. Mais pour les trois ou quatre derniers romans que j'ai écrits, quand j'ai écrit la première phrase, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient par la suite. C'est vraiment une image là, qui me lance dans le récit. Et dans ce cas-ci... j'avais une image de David Lynch dans Twin Peaks, une scène où on voit un nain danser seul dans une salle fermée avec un plancher à carreaux. Tout ça, c'est cette image-là qui m'est revenue et qui m'a lancé sur la piste de Baby Papillon et de Pitou la Botte. Ça, c'est des personnages fabuleux. Mais ça, c'est des personnages qui ont vraiment existé dans la vie. Ah oui, c'est des personnages qui ont fait... les belles années du burlesque un peu érotique, si on veut, au Québec. Non, c'est des personnages historiques maintenant. Je ne savais pas. Toi, ton bar initial, est-ce qu'il existe? Oui, le Croissant d'or, c'est un... Parce que comme Fou Bar, on sait qu'il existe. Et le Croissant d'or, c'est un bar qui a existé pendant de nombreuses années, mais qui a fermé ses portes au début des années 90, là, en 93. Ah, avant que j'arrive, sans parfum. C'est pour ça que certaines personnes ne le connaissent pas. J'étais sur la rue Saint-Vallier, tout près du restaurant Shogun, non? Donc, à l'ouest? Oui, devant le monument pour les événements du printemps 1918. Là. OK. Donc, à la fin de la rue Saint-Joseph, début de la c'est rue Saint-Joseph. C'est ton coin? C'est mon coin, oui, c'est mon toi, coin. Toi, tu viens de là. Oui, et, tout à fait. As-tu déjà un autre projet? Et non, là, je suis à zéro. C'est rare que ça m'arrive. Ouais, actuellement, quand je publie, là, c'est parce qu'il y a autre chose de mis en branle. Mais là, bon, j'avais d'autres responsabilités, ce qui fait que j'ai eu moins de temps d'écrire dans la dernière année. Alors là, je parce suis à zéro. Parce qu'un auteur au Québec ne vit pas de ses livres. Et voilà, il faut qu'il aille enseigner ou faire d'autres choses. Voilà, exactement. Et t'es chanceux d'enseigner livres. Non, je suis très choyé par la vie, là, de ce côté-là. Mais sinon, c'est ce qui fait qu'actuellement, je suis à zéro. Et honnêtement, j'étais un peu angoissé par ça. Et là, plus la période d'écriture approche, parce que je vais me remettre à l'écriture cet été, plus je me retrouve dans cet état, donc, qui va faire en sorte que je pense que je vais être prêt quand je vais y arriver. Là, quand je vais arriver. Très contente d'entendre ça. Et je suis très contente que tu es de retour au Québec dans tes livres. Je pense que je te retrouve mieux là. Je te remercie pour le temps que tu nous as donné. Et je souhaite beaucoup de succès au festin de Salomé. C'est vraiment un très beau livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au bal du lézard, enlève ta tuque pis tes gants parce que c'est le printemps. Le 12, David Robert et Dan Lemay. Le 19, Mononcle Serge pour la soirée de financement de Limoilou en vrac. Le 24, notre soirée à Capella. Le 26, le retour d'Interférence Sardine. Aussi au bal, tous les jeudis, apporte ton vinyle, nos fameux 5 à 7 délirants et les délicieux hot dogs plus longs que nature. Le bal, c'est tout ça et encore davantage. Le bal du lézard, 1049 3e Avenue, ouvert du lundi au dimanche. Lebaldulézard.com, on t'attend. Du 9 au 13 avril, le 27e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités et de rencontres. Spectacles, expositions, impro BD, animations jeunesse et dédicaces. Venez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs du Québec et d'ailleurs. Découvrez toute la programmation au fbdfq.com. Allez-y pour voir! Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. CKRL tient à remercier la Caisse des Jardins de Limoilou, partenaire de premier plan lors de son Radioton. Tout comme CKRL, la Caisse Desjardins de Limoilou est une entreprise qui vous appartient et qui travaille au développement de sa collectivité. Bravo et bonne continuité. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Ben non, avec pas plus de mélange, je pense. Oui. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. Toujours devant les portes intérieures du Salon, je suis bien entourée, on est beaucoup, beaucoup de monde. Je suis ici avec Suzanne Leclerc. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Vous nous arrivez de la revue Nuit Blanche, le magazine Nuit Blanche, un magazine littéraire qui existe depuis fort longtemps. Oui, hein? Monsieur Yves Beauregard, oui. Bienvenue de l'émission Cap au Diamant. De la revue Cap au Diamant, oui. Oui. Qui fête ce mois-ci nos 28 ans. Alors, c'est pas rien non plus. Oui, c'est des adultes maintenant. C'est ça, on est des organismes culturels un peu adultes. Madame Josiane Ouellette, oui, vous êtes là de la revue Continuité, une revue que j'ai découverte il y a un an. Et que j'aime beaucoup, j'ai une fille qui est dans l'urbanisme. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et Pascal Roux, qui est la coordonnatrice des revues Solaris et Alibi. Oui, tout à fait. Solaris, et, ça mange quoi l'hiver? Solaris existe depuis 1974. Mm-hmm. C'est une revue... C'est l'aîné, je pense, ici, hein, presque. Ouais. Ouais. J'étais pas encore née. Excusez. Solaris, c'est une revue de création littéraire spécialisée dans la science-fiction, fantastique, fantasy. Et je suis aussi coordonnatrice d'Alibi, qui, comme son nom l'indique, est une revue spécialisée dans les littératures policières et qui a été créée en 2001. Oui, ça, moi, j'y étais. Quand oui, elle a été... oui, j'y étais. J'aimerais que tu présentes ce que vous faites dans ces revues-là. C'est quoi la spécialité? Est-ce que c'est des articles? On va passer... Alors, Alibi et Solaris sont... sont sur le même modèle, avec des contenus évidemment différents. On commence toujours par de la fiction, des courtes nouvelles, donc 3, 4, 5 courtes fictions inédites et complètes. Mm-hmm. Ensuite, on a souvent des articles sur le genre. Donc, par exemple, dans Alibi, cette fois-ci, on a un article sur la géographie du polar, Montréal, à l'époque où c'était une ville du vice mm-hmm. et de la corruption. Et on a également une entrevue. Et ensuite, on a une chronique cinéma sur mm-hmm. les sorties des 3 derniers mois ou alors... une thématique qui revient un petit peu plus en arrière. Et ensuite de ça, on a toujours des critiques de romans qui sont parus récemment, où nos critiques s'expriment librement s'ils ont aimé ou pas. Oui. Et Alibi et Solaris, c'est sensiblement la même manière. C'est sensiblement la même manière. C'est fiction, article, chronique cinéma, critique. Merci Pascal Roux. Josiane Ouellette, c'est un très beau numéro sur le train. Mm-hmm. Mais oui, comme vous le disiez tout à l'heure, continuité, ben nous, ça fait au-delà de 30 ans qu'on existe mm-hmm. aussi. Et puis, étonnamment, on n'est pas très connu. C'est fou. Les gens nous ça découvrent. Ça fait 23 ans que je suis ici. Oui. Je m'intéresse beaucoup au patrimoine québécois mm-hmm. et je ne vous connaissais pas. Donc, on essaie de se faire connaître, mais bon, il y a encore du travail à faire, visiblement. Même les gens passionnés de patrimoine, à un moment donné, nous découvrent. Ils sont tout contents. Puis nous, c'est ça. On couvre le patrimoine, mais vraiment le patrimoine tous azimuts. Là. Pas simplement le patrimoine bâti ou Le patrimoine immatériel, d'ailleurs, immatériel avec ce numéro aussi. Que je vous ai découvert. C'est ça, exactement. Donc, ça couvre vraiment un très, très large spectre. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que à chaque numéro, on a un dossier particulier et à chaque numéro, moi, je cherche des gens, des collaborateurs, mm-hmm. des spécialistes de la question à qui je demande de collaborer. Et on a aussi des chroniques qui reviennent d'un numéro à l'autre. Fiche technique, conservation, qui est une collaboration avec le Centre de conservation mm-hmm. du Québec. Alors, donc, pour couvrir tous les aspects, là, architecture, ouais. urbanisme, mais aussi histoire, archéologie, ouais. Ethnologie, alors ça couvre vraiment très large. Puis, c'est ça, notre dernier numéro portait sur le patrimoine ferroviaire. Ouais. En fait, l'idée est venue un petit peu, bon, dans la suite de la tragédie de lac Mégantic. Ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais voyons, pourquoi le train passait au milieu de la ville? Ça n'a pas de bon sens. Oui. » Alors que historiquement, bien, c'est la ville qui s'est construite autour de la oui. voie ferrée. Alors, on s'est dit, bon, ça demande peut-être de remettre les choses en perspective et puis aussi de rappeler aux gens que, oui, là, il y a eu une terrible tragédie, mais il y a quand même un héritage extraordinaire. Notre patrimoine ferroviaire, c'est un héritage qu'il faut préserver et puis mettre en valeur, faire connaître. Alors, c'est pour ça qu'on s'est consacré à ça pour ce numéro-là. Et c'est aux 3 mois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, toutes vos revues, c'est à peu près c'est ça, hein? C'est aux 3 mois. Monsieur Beauregard, le dernier numéro, Cap au Diamant, il est encore chaud. Je le sens là. Je dirais de plus récent que le dernier. Oui. Alors oui, il est tout chaud. Il va être en kiosque vendredi. Alors c'est un numéro qu'on consacre aux grands anniversaires de 2014. C'est-à-dire en 1914, il y a eu beaucoup de grands événements. Dont la Première Guerre mondiale. Oui. L'Empress of Ireland qui a coulé. La création du 22e régiment. Félix Leclerc, le sociologue Falardeau, etc. On aurait pu en avoir plein, là, Sainte-Justine à Montréal. Alors, donc, on a fait une sélection à travers ces grands anniversaires-là pour faire ce numéro printanier. Alors, un peu le fonctionnement. Donc, la revue est née en 85. C'est une revue d'histoire du Québec, hein, qui s'adresse à l'ensemble, au grand public québécois. On procède toujours, nous aussi, par une thématique principale. Donc, ce thème qui sort, c'est une année mémorable. Le prochain numéro, ce sera sur les rites, les habitudes religieuses en Nouvelle-France. Oh. Alors, On va plus loin dans l'histoire. Tout le temps. On couvre les 400 ans d'histoire. Donc, il n'y a pas de période particulière. Donc, chacun des thèmes peut varier d'une fois à l'autre. Donc, comment vous choisissez vos thèmes? On a un comité de rédaction de 9 personnes avec lesquelles on travaille. On a des propositions qui nous viennent de l'extérieur aussi, d'idées de thème. Mais on a des grandes lignes qui guident nos choix. La mosaïque québécoise, donc on a fait des numéros sur les Franco-Américains, les Irlandais, les Juifs, les Allemands, etc. L'imaginaire québécois, on a fait un numéro sur les hommes forts, on fera aussi d'autres thèmes. Les commémorations, les grands anniversaires, des grandes rencontres. On a fait des numéros à l'occasion des grands congrès, des musées, les grands congrès d'archéologie ou des choses comme ça. Donc, c'est des thèmes, le comité de rédaction... C'est vraiment une revue historique qui apparaît d'histoire. Mais qui s'intéresse aussi de façon un petit peu plus large. On est issu d'un département d'histoire pluridisciplinaire. Donc, on s'intéresse évidemment à l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, l'histoire... Oui, ça ratisse large. On ratisse large, nous aussi, un peu comme nos amis de continuité. Et à part de la thématique, chacun des numéros a une dizaine de rubriques sur des sujets différents. Pour ajouter de la variété, si les gens, malheur, n'aiment pas la thématique principale. Merci, M. Beauregard. Madame Leclerc, Nuit Blanche. Bon, Nuit Blanche, je suis abonnée, ça fait longtemps, je la connais bien, la revue. Vous aussi, vous avez toujours un thème fort à chaque numéro. Oui et non. C'est-à-dire qu'on fait de grands dossiers à peu près une fois par année. Ces dernières années, ça a été beaucoup lié avec le Festival Québec en toutes lettres, Gabriel Roy. Ça, c'est un très bon numéro. Merci. Et puis, on fait aussi des dossiers à l'occasion sur des littératures nationales, étrangères, où on a fait un dossier sur la littérature acadienne il n'y a pas si longtemps, franco-ontarien. Et il y a ce numéro-là, le plus récent, là, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, il n'y a pas de grand dossier, mais dans tous les numéros, on couvre à la fois la fiction et l'essai, littérature québécoise, franco-canadienne et étrangère, en autant que tout soit traduit en français. Il y a des commentaires, une partie commentaires de lecture, des critiques plus courtes et des articles sur soit un écrivain, un livre, une thématique, etc. Donc, voilà. Quand on fait un dossier, souvent, il prend la moitié du magazine. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire à chaque numéro. Parce qu'on c'est impossible de couvrir tout ce qui se publie, mais on essaie quand même d'y aller le plus largement possible. Oui, comme le dernier numéro sur les zombies, c'était quand même assez complet. Oui, c'est ça. Sur, et maisant que ça aussi, c'est un sujet large. Oui, un phénomène, au fond, les zombies ne sont pas nouveaux, mais la mode depuis, disons, une dizaine d'années, partout, cinéma, BD. Oui. Et là, ce qui était nouveau, c'est qu'il y avait des essais québécois sur ces drôles de bêtes. C'est ça. OK. Je vous ai invité pour surtout parler, c'est quoi être une revue au Québec, dans un monde qui va de plus en plus vite, et comme vous l'avez dit, Mme Ouellette, les gens, ça fait 30 ans que Continuité existe, les gens ne le savent pas. Vos revues, en général, se retrouvent en librairie. Les gens, est-ce qu'ils vont en librairie pour acheter une revue? Bien, d'abord, c'est la définition même de qu'est-ce que c'est qu'une revue culturelle. Enfin, c'est une revue à faible tirage. Mm-hmm. Hein? Et c'est des revues qui couvrent l'ensemble de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel culturel du Québec. Hein? Des revues en cinéma, en littérature, en patrimoine, en histoire, etc. Donc, c'est la définition du mot culturel. Hein? Mm-hmm. Et on est regroupé dans une association qui est la Société de développement des périodiques culturels du Québec. Donc, c'est des revues aussi, on dit culture, qui sont très largement subventionnés, mm-hmm. qui n'existeraient pas sans les subventions. Oui. Hein? Donc, la culture québécoise, c'est la triste réalité. Les revues qui c'est pas juste ici comme ça. Je viens de l'Allemagne et c'est un pays de grands lecteurs et c'est subventionné. En plus, c'est des revues qui ont une obligation d'aller aussi se chercher des revenus autonomes. Alors, les abonnements, la vente en kiosque, les ventes, etc., etc. Et actuellement, si on parle de la réalité, c'est quelque chose qui est en grande diminution. On a de la misère à aller chercher nos revenus autonomes, mm-hmm. et on est obligé de... Je dirais qu'on a de la misère à aller chercher des subventions. Ouais. Concernant Alibi et Solaris, on a les mêmes subventions qu'en 2002, alors qu'on est en 2014. Mm-hmm. On n'a quasiment aucune subvention, il faut vraiment se débrouiller... C'est ça. Aller tirer un petit peu partout. En plus, ici, si on regarde dans les revues culturelles, mon ami de Continuité et Capot Diamant, on est les deux seules revues dans l'ensemble des revues de la SODEC qui ne sont pas subventionnées par le Conseil des arts du Canada. Ah, parce que c'est pas artistique. Ils ont décidé que Qui pourrait vous subventionner autrement? Nous, on vit de la subvention du Conseil des arts et lettres du Québec et de la Ville de Québec, parce que les deux, on est à Québec, mais des revues... Moi, je dirige aussi la revue Séquence de cinéma, dont le siège social est à Montréal. Elle est subventionnée par le Conseil des arts et lettres de Montréal. Bon, alors donc, Continuité et nous, on se retrouve avec un double effort à faire pour aller chercher des revenus autonomes, ce qu'ont pas les autres revues de littérature et d'art. Alors, imaginez-vous, quand nos abonnements et nos ventes en kiosque commencent à baisser, quelle panique, quel trouble, on s'en va où? Oui, il y a ça. Il y a aussi que, pour avoir travaillé pour Alibi et Solaris, il y a aussi, à ce moment-là, il faut couper des postes. Ça veut dire que c'est le contenu de la revue qui est en danger, Mme Ouellette? Ben non, justement, nous, c'est ça. On fait face à la même situation. Donc, on voit les abonnements qui diminuent, les ventes en kiosque qui diminuent. Mais ce qui est important de noter, on va en parler plus tard avec le numérique. Mais ce n'est pas notre rayonnement qui diminue pour autant, parce que maintenant qu'on est présent sur le numérique, on se rend compte avec Érudit qu'il y a plein de gens à travers le monde qui nous découvrent, qui cliquent sur les articles, mais là, ça ne nous rapporte rien. Vous n'êtes pas payé pour... En fait, sur Érudit, par exemple, c'est une institution qui paye un abonnement vraiment pas cher, puis ça donne accès à tous les membres de l'institution. Par exemple, l'Université Laval paye un abonnement, ça donne accès à tous étudiants, tous les profs. Alors, vous voyez bien que nous, on n'y gagne pas beaucoup. Alors, moi, je pense que c'est ça, le problème, c'est beaucoup comment monnayer tout ça, puis avoir des sous pour continuer à faire notre travail. Mais effectivement, nous, chez nous, on est obligé de faire des coupes, justement pour pas que le contenu du magazine soit affecté, pour pas être obligé de trop diminuer le nombre de pages ou de diminuer la périodicité. On a fait des coupures à l'interne. Alors maintenant, on est une toute petite équipe. Moi, je suis toute seule du côté de la rédaction. Il y a une personne qui s'occupe, une représentante publicitaire, et on fait affaire là avec nous, beaucoup avec des bénévoles. Les spécialistes auxquels on fait affaire sont des bénévoles. Donc ça, c'est comme la radio où on est. Oui, là. C'est ça. Alors nous faisons la même chose. On essaie vraiment, tout le monde met beaucoup d'efforts pour que ça ait pas d'impact sur le contenu, mais veut pas, à un moment donné, c'est de plus en plus difficile. Madame Leclerc, pour vous, Nuit Blanche, c'est quand même une institution. Est-ce que c'est le même portrait pour le côté abonnement, revenus autonomes? Financièrement, ce que je peux vous dire, c'est que ça a toujours été très difficile. Ça l'est, on travaille comme des nègres, si vous me permettez. On n'est pas assez. C'est bon. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur la présentation générale de tous. C'est peut-être intéressant pour vos auditeurs de savoir que on est des tous les quatre ici, là, des revues ou magazines, dans notre cas, nationaux. Ouais. Et ça, il y a plein de gens, nous sommes à Québec ici, dans notre cas, on a plus d'abonnés à Montréal ou dans la région de Montréal, évidemment, puisque la population est là. On a des collaborateurs partout au Québec, à l'extérieur aussi, ailleurs dans la francophonie, et je pense que c'est le cas de vos auteurs. Ouais. Dans le cas de Alibi Solaris, ce sont des revues de création littéraire, et non pas un magazine comme nous. Puis, donc, en tout cas, c'est bien que, de nous réunir les quatre revues de Québec. Il en manque deux là, qui ne sont pas là, mais on a quand même une importance même partout, partout au Canada. Bon. C'est ça, comme, financièrement, maintenant, c'est l'enfer tout le temps. Il faut toujours, bon, comme les revenus publicitaires. Bon, à part les subventions, les principaux revenus, c'est les abonnements, les ventes en kiosque. Ventes en kiosque, très difficile, quelques années. Et la publicité, très difficile aussi. Les grands quotidiens internationaux ont d'énormes difficultés de ce côté-là, donc ça serait quand même miraculeux si on n'en avait pas. On innove toujours, on travaille plus pour à peine maintenir ces revenus autonomes-là. Le numérique, vous présentez comment votre numérique? C'est un PDF ou une pub? Non, pas du tout. Donc, Nuit Blanche, là, ce qui est particulier, c'est que j'espère que vous allez nous réinviter dans 6 mois, parce que nous... Votre site est en construction. Il datait de 1995, et donc c'était tout le contenu, là, au début, c'était une partie du contenu, depuis 2000 environ, tout le contenu de chaque magazine, plus des textes exclusifs. Là, la technologie était devenue tellement vieille que là, ça fait 2 ans, là, on ne peut plus rajouter une virgule, là, on ne peut rien. Mais vous pouvez consulter les nuitblanche.com, les archives. Oui. Donc, il aurait fallu le refaire avec des milliers de problèmes que je ne vous dirai pas, de tous ordres. Donc, là, ça s'en vient dans quelques semaines. Et pour nous, c'est complémentaire. C'est impossible de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un grand sondage sur les revues culturelles en 2013. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On a vu, il y a eu à peu près 1500 répondants. 85% des lecteurs de revues culturelles préfèrent encore lire sur papier, quoi qu'il y ait une... Et là, il y a toutes sortes de raisons à ça. Ça peut être des raisons de graphique, des textes plus costauds, etc. Ben, j'avoue que, oui, c'est un peu ardu. Quand on n'a pas de tablette, et sinon, on se ramasse encore devant l'ordinateur, c'est comme être au travail. C'est ça. Fait que, donc, je préfère ça dans le bus. OK. Et là, donc, nous, le nouveau site va être compatible téléphone et tablette. Là, il reste juste à souhaiter que dans 5 ans, ça ne soit pas à refaire de A à Z. Ça, c'est un des problèmes, voilà. Oui, je te comprends. Alors, moi, j'ai été à 3 mandats président de la SODEP. Et dans les études qu'on avait à faire sur le marché, c'est notre grand problème qu'on avait d'exporter. On a dit que nos revues sont de stature nationale, mais ils sont aussi de stature internationale. Et on voulait exporter vers la francophonie. Alors, on a fait de multiples études, surtout au salon de la revue de Paris, puis dans les réseaux de distribution. Alors, on a trouvé deux problèmes. D'abord, dans les bibliothèques françaises, il n'y avait pas d'espace. Et la poste, le coût de la poste, qui était déjà très élevé. Oui. Et avec le 1er avril, imaginez-vous combien ça coûte. Oui. Alors, on avait des grands obstacles pour exporter nos revues vers la francophonie. Alors, il y avait donc poste, et impensable de penser à la distribution en kiosque en France. Ça a pris des dizaines de milliers de copies, impensable. Ça, alors, qu'est-ce qui s'est offert à nous comme solution? Le numérique. Et là, avec la SODEP, et la participation heureuse de Patrimoine canadien, on est allé vers un autre organisme qui, lui, travaillait d'abord avec les revues universitaires, qui est Érudit. Et Érudit, ça nous a permis, le premier geste qui a été fait pour la bonne partie des revues de la SODEP, 26, je pense, c'est qu'on a créé un abonnement pour les institutions. Alors, on possède, la majorité d'entre nous, cet abonnement qui existe. Donc, maintenant... si je regarde le cas de Cap-Haut-Diamant, on a 85 abonnements institutionnels à travers le Canada, mais aussi Yale, les grandes universités américaines et en Europe. C'est le premier geste qu'on a fait en 2012 vers le numérique pour contrer ces problèmes dont je viens de vous parler, la poste, la distribution, ouvrir le marché de la francophonie. Et là, on est allé vers une deuxième étape, toujours appuyée par le Conseil des arts, le patrimoine canadien. Oui. Parce que le numérique, il coûte extrêmement cher. En tout cas, pour nous, là, à Cap-Haut-Diamant, on n'a pas ces moyens-là. Et avant Noël cette année, à la fin de 2013, on a eu la deuxième étape. Maintenant, on peut se procurer les numéros de beaucoup de nos revues, justement, la majorité des revues, dans l'entrepôt numérique de l'ANEL. Hein, donc, Cap-Haut-Diamant, on a 4 numéros, séquences en a plus. Donc, c'est une autre étape. Il reste une troisième étape, c'est l'abonnement pour les individus, l'abonnement numérique. Ça aussi, ça coûte extrêmement cher, mais je pense que ça s'en vient bientôt. Pascal, Alibi Solaris, il me semble, ça fait un moment que c'est offert à tous, l'abonnement. Ça fait très longtemps. La particularité des revues, d'abord, nous, on ne fait pas partie de la SODEP. Notre numérique n'est pas sur Érudit, ça veut dire que nos anciens numéros ne sont pas gratuits, on les vend quand même. Mais depuis 2001, où Alibi a été créé et Solaris repris par l'éditeur Jean Petitgroux, parce qu'avant Solaris, c'était plutôt des équipes de bénévoles passionnés. Et là, il faut préciser que je suis la seule employée à plein temps, donc je fais tout depuis répondre aux courriels, faire les contrats, faire la publicité, etc. Et tous les autres sont sur contrat. Payés au mot, pour payé les textes. Payés au mot, tout le monde est payé absolument, depuis le critique, l'auteur, l'écrivain, le chroniqueur, etc. On a toujours eu un site Internet avec un volet numérique, c'est-à-dire un volet Internet avec toujours du contenu disponible, supplémentaire. Et gratuitement. Gratuitement, en couleur toujours. Et à partir du moment où on a pu faire des PDF, donc ça fait depuis 2009 qu'on le fait, on l'offrait en abonnement à la clientèle, que ce soit individu ou institution, et les abonnements sont au même prix. Les bibliothèques y ont accès. Et depuis un an, on développe à l'interne les compétences pour créer des e-pubs, donc on les fait nous-mêmes. Ça, c'est très chouette, hein, au téléphone, parce que ça s'adapte à la grandeur de la tablette. Moi, j'adore ça. Et donc, là, depuis quelques numéros, on offre le e-pub tout couleur, avec le côté agréable de, effectivement, la mise en page se refait, le feuilletage. Mais ça fait longtemps aussi qu'on offre le feuilletage d'extraits de numéros sur nos sites Internet. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille pour offrir du contenu numérique. Quand on a une revue de science-fiction, ça va un peu de soi, là. Ça va un peu de soi. C'est vrai, à l'interne, c'était discuté comme ça. Mais c'est vrai que pour, par exemple, augmenter la visibilité en librairie, quand ça a été repris en 2001, avant Solaris, c'était le format magazine. On a fait un format livre. Ensuite, on a fait des couvertures dures, parce que les couvertures souples, on ne pouvait pas les mettre en facing en librairie, ça frisait. Donc on fait toujours beaucoup on essaie d'augmenter, d'améliorer. Depuis ce numéro, c'est en couleur. Et depuis ce numéro, tout est en couleur. Et il faut avouer que même si c'est de la création littéraire, il y a toujours des illustrations pour chaque nouvelle, les photos des auteurs, les articles. Donc le tout couleur, ça apporte encore plus une certaine qualité. Donc c'est vrai qu'on espère que le côté e-pub, parce qu'on est disponible en PDF, en e-pub, format MOBI pour Amazon, donc on est disponible pour toutes les sortes de plateformes et toutes les sortes de liseuses. Donc, on espère que ça va augmenter les ventes aussi à l'étranger, parce qu'on a beaucoup d'Européens qui, malgré tout, sont abonnés au format papier. Et ça, c'est une catastrophe financièrement, parce qu'on leur envoie et la revue n'est pas payée. Ça, je me rappelle, c'était déjà comme ça avant le 1er avril. Ça nous... Parce que c'est vrai, hein, les abonnements à l'étranger, c'est une catastrophe quasiment. On leur envoie quasiment gratuitement. Tout ce que ça nous offre, c'est la visibilité à l'extérieur. Puis là, le e-pub, faut avouer qu'il y a énormément de demandes. Et plus le site transactionnel qui s'en vient, donc, parce que les gens ne veulent pas donner leur numéro de carte de crédit, etc. Donc c'est... Oui, Madame Leclerc, vous montrez vos prix. Hein, c'est presque le même prix. Poster un exemplaire de Nuit blanche à l'étranger, ça coûtait, avant le 1er avril, 14 $. un exemplaire. Donc, imaginez... Et ça pèse rien! C'est ça. Mais et c'est puis, un format inhabituel. On est dans pour la poste. C'est ça. Aux États-Unis, c'est 7 $, ce qui fait que... Mais on a quand même quelques abonnés à l'étranger. L'intérêt est là, c'est ça. C'est, comme Yves Beauregard disait, on a une portée internationale. Et là, c'est sûr que le numérique, est formidable pour ça. Mm-hmm. Bon, beaucoup à cause des frais de poste, mais il n'y a pas que pour nous faire connaître nos publications à l'étranger. On est aussi, et dans vos domaines respectifs, c'est sûrement la même chose. Avec le numérique, on devient plus une vitrine pour les auteurs, les éditeurs québécois et la critique québécoise. Donc, c'est formidable. Oui. Et l'intérêt ailleurs dans la francophonie pour la littérature québécoise, mais aussi ils sont très intéressés par voir la différence entre la critique d'ici et la leur. Ça doit. Oui, Mme Ouellet. Oui, nous, chez nous, on a commencé l'aventure numérique avec Érudit, effectivement, là, comme beaucoup de magazines de la SODEP. C'est vrai que c'est une vitrine extraordinaire. Et puis après ça, on a poursuivi avec notre site Internet. Parce que nous, jusqu'à tout récemment, notre site Internet, c'était simplement là, vraiment une vitrine qui changeait une fois aux 3 mois. Alors, okay. on était vraiment Il n'y avait à rien jour. Derrière. C'était, non, c'était... c'est ça. Alors là, l'automne dernier, vraiment l'été dernier, on a travaillé là-dessus. On a vraiment tout renouvelé, notre site Internet. Et là, on est allé vers... Bon, sur le site Internet... On offre plus de contenu. D'abord, mm-hmm. on peut le changer au fur et à mesure. Donc, on met des nouvelles. Mm-hmm. On donne à nos lecteurs, aux internautes, du contenu supplémentaire qui ne se retrouve pas dans le magazine. Ça, et c'est surtout, payant. En tout cas, je l'ai vu pour Solaris et Alibi. C'est ça, a l'air ça pour payant. Vraiment créer une habitude, créer une espèce de communauté autour du magazine. Et ce qu'on a fait, la grosse nouveauté, c'est la vente de numéros de version numérique sur notre site Internet. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on offre un cadeau à tous nos abonnés papier. On vous offre gratuitement la version numérique. Alors, à partir du moment où tu es abonné PDF papier, c'est un PDF, ouais. par contre, parce que là, on n'avait pas les moyens de développer une autre version. Mais déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Et les gens peuvent aussi acheter au numéro la version PDF sur le site Internet. Ce qui veut dire que quelqu'un qui, un samedi soir chez lui, voit qu'on a fait un numéro sur tel thème et il veut le lire tout de suite, peut le faire. Il le commande, il le paye et il peut le télécharger. C'est Visa, Mastercard et on l'a. C'est PayPal. Alors ça c'est vraiment important parce que là, tout à coup, tu réponds aux besoins quand ils se manifestent. Est-ce que ça augmente vos revenus autonomes? Un petit peu. On fait quelques ventes comme ça. De mais numéros. Déjà, l'effort est reconnu quand même pour les subventions. Puis on est là, on est disponible et je le vois. On en vend des numéros comme ça, seulement numériques. Alors que, bon, si la personne avait commandé le numéro papier, il aurait fallu qu'il attende de recevoir le numéro papier, etc. Puis comme Yves le disait, maintenant, en plus, on est disponible sur la vitrine d'Annel de Marc. Alors là encore, ça ouvre. Mais moi, en tout cas, ce que je trouve le gros problème avec le numérique, ce qu'il va falloir trouver comme solution, c'est comment faire en sorte que ça nous rapporte des sous par rapport à la... C'est sûr que c'est bien, ça nous donne la visibilité, ça nous permet d'être présent à l'étranger. Mais si, au bout du compte, quelqu'un décide de ne pas s'abonner parce que son institution est abonnée et qu'il a accès gratuitement via son institution, ça nous fait perdre des abonnements. Et là, c'est là que ça devient... Ça fait que ça reste une négociation avec Érudit, avec la SODEP. Mais pas juste ça. C'est que peut-être qu'il va falloir trouver vraiment une nouvelle méthode de calculer. Tu sais, est-ce que ça sera au clic? Parce que là, à l'abonnement... C'est pas représentatif de l'utilisation du magazine. C'est vrai. Alors, parce qu'on fait face aux jeunes générations qui ont été élevées avec le web et l'Internet où tout est gratuit. Bon, regarde, il faut que je vous coupe. Coupez-moi on a passé notre demi-heure. C'est extrêmement intéressant. Je suis sûre qu'on va se reparler. Mais c'est ça. Bon, je vous remercie. Merci. Hey, on a passé une demi-heure. C'est... Ça a passé tellement bien. Moi, je voyais derrière vous, là. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre grande générosité ainsi qu'à la collaboration de nos commanditaires suivants. La Commission de la Capitale Nationale, la CDEC de Québec, le Musée de la Civilisation, la Mesure Première Ovation, l'Orchestre Symphonique de Québec, la SODEC, le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique du Québec, l'Hôtel Château-Laurier, les éditions Michel Lafond, la boutique Le Pédalier, le resto-bar Cécile et Ramon, la cabane et le resto de la mer, le Sacrilège, Seb's Thé et Lounge, Amassane le Masseur, François Angers, Solotech, Chapiteau Tentation, Sanimax. CKRL tient à remercier ses nombreux bénévoles et auditeurs qui, encore une fois cette année, ont contribué au rayonnement et à la réussite du Radioton. C'est grâce à votre implication et votre dévouement que CKRL poursuit sa mission de radio culturelle à Québec. Les moulets frites sont de retour au Vieux-Port. La cabane offre en effet le moulet frites à volonté en soirée du mercredi au dimanche à prix spécial en mars et avril. Située dans les anciens locaux du Poisson d'Avril, la cabane reprend le flambeau avec un menu qui suit les saisons. Au printemps, c'est le crabe qui sera à l'honneur dès le début de la pêche. L'été, c'est le homard et la folie des lobster rolls ou guédilles au homard. Aussi au menu, steak, poulet grillé et fish and chips. À l'année, c'est les moulets frites à volonté. CKRL tient à remercier Télé-Québec, partenaire de premier plan lors de son Radioton. Télé-Québec innove et s'implique en offrant une programmation différente et diversifiée. Des artisans de la radio et de la télévision unis par la même passion. Merci d'investir dans la mission de CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des Congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des Congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. J'allais de kiosque en kiosque et je demandais aux différents représentants de maisons d'édition s'ils avaient des dépliants. Alors, à l'ère d'Internet, ils ont de moins en moins de dépliants. On me renvoyait toujours sur les sites Internet. Et puis, ben voilà. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la maison Prologue qui distribue, entre autres, les presses d'Université Laval et Université du Québec. Et là, bien, on peut attirer notre attention sur la collection « Quand la philo fait pop », dirigée par Normand Baillargeon et Christian Boissineau. Hein, il y a un livre, entre autres, qui s'appelle « Quand Platon écoute les Beatles » dans son iPod. Alors, philosopher hein, à partir de la musique. Il y a un autre livre qui, dont le thème est sur le rire et en philosophie. « Je pense, donc je ris ». Alors, je le mentionne parce que... Ça nous arrive jamais. Parce que j'ai collaboré aussi à cette parution. Il y a un petit texte de moi. Et il y a Geek Philosophie, hein, la philosophie du geek de Vincent Billard. Ensuite, je me suis dirigé du côté des presses de l'Université de Montréal. Et là, j'avoue qu'il faut parfois être attentif aux différentes affiliations. Parce que là, j'ai demandé comment ça, c'est sous Gallimard. Alors, on m'a expliqué que Gallimard bien, diffuse les presses de l'Université de Montréal. Il y a un titre qui a attiré mon attention, « Âme et iPod ». Alors, de Maurizio Ferraris. Alors Contribution italienne ou c'est québécois? Non, c'est un professeur à l'Université de Montréal. Alors, OK, que je ne connais pas. C'est paru en 2014. Et puis, bon, chez Nota Bene aussi, et Del Busso, une toute nouvelle maison d'édition. Et pour Del Busso, il y a le très sérieux, l'habituellement très sérieux Benoît Melançon, enfin, à mon avis, mm-hmm. qui publie un livre qui s'appelle « La langue de Puck ». La POC, comme dans la POC de hockey. OK. Alors, mais ça s'est vu aussi, le hockey et la philo, non? Oui, mais dans... alors lui, il vient du monde littéraire, du monde de la linguistique, et il analyse le langage québécois de tous les jours, comment le langage du hockey déteint dans notre parler quotidien. Je me suis dirigé ensuite du côté de Fidès. Alors, Fidès, bon, on peut penser à Jacques Grandmaison, et Fidès distribue aussi la maison... Bellarmin, belle petite maison qui publie des ouvrages philosophiques. Il y a Pierre, on y retrouve les essais de Pierre Vadeboncœur, entre autres ses essais. Mais c'est une maison française? Non, c'est québécois. Hein? Bellarmin, oui. Connais pas? Ça vaut le détour. Il y a de ça très fait que beaux tu vas, ouvrages. Tu vas nous en parler là. Tu vas faire des lectures prochainement là. Je vois ça venir. Oui, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà lu du Bellarmin. Évidemment, il y a eu il y a une quinzaine d'années l'essai de Charles Taylor, Grandeur et misère de la modernité. Pour ceux qui sont effrayés un peu par Charles Taylor et ses grosses briques sur Hegel et A Secular Age, un âge séculier, eh bien, il y a son petit livre publié là. Chez Bellarmin, Grandeur et misère de la modernité. Une centaine de pages, ça vaut le détour. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mentionner? Ah oui, un gros livre très sérieux de chez Bellarmin, Repères ultimes, l'être, l'existence, la religion, paru en 2013 par M. Georges Hélal, retraité de l'Université de Montréal. J'ai continué mon chemin. Ben, juste à côté, non, juste à côté. Ça fait qu'il y a plein de philos, ben, finalement. Urtubise, bien sûr, il y a plein de philos. J'ai même pas fait le tour des maisons d'édition françaises. Spécialisées, oui. Hein, chez Urtubise, bien, on peut mentionner les essais de Jean-Jacques Pelletier. On va le recevoir à l'émission. J'en dis pas plus. Il y a toute la collection aussi de 30 secondes. Comprendre la philosophie en 30 secondes, l'économie, les mathématiques. Et chez XYZ, il y a un ouvrage qui a attiré mon attention. Voilà, où est-il? Je ne le sais plus. ça s'appelle, et ça c'est dans l'air du temps, Zombie. Ben, le dernier numéro de, justement, de Nuit Blanche a parlé de cet essai-là. Sociologie, alors, en sous-titre, Sociologie des morts vivants, par Vincent Paris, un auteur de Québec. Alors, ça porte là-dessus. C'est quelqu'un qui enseigne la sociologie au cégep de Saint-Laurent. Et puis, bon, il s'est intéressé à un paquet de choses. Donc, Zombie. Et aussi, tiens, c'était dans l'air du temps, Enfin la laïcité chez XYZ par Bernard Larivière. Chez Éco-Société. Oui, alors, on les aime bien. Alors, il y a l'édition revue augmentée du livre de Françoise David, De colère et d'espoir, qui avait connu un bon succès de librairie quand il était paru la première fois. Il a vendu des milliers d'exemplaires. Berbel, tu me fais signe que c'est déjà presque la fin. Oui, j'ai un auteur qui est très patiemment attend ici, Pierre Gagnon, qui est très fin depuis presque 20 minutes que je le vois tourner autour. Que c'est dommage. Alors, en vrac... Et je m'en voudrais. J'aurais pu parler des essais d'Alain Deneau, de la maison Luxe. Évidemment. Dont on a parlé lundi dernier aussi. Sur l'anarchie. Et je suis tombé sur M. Poitras de Dimédia, qui n'en pouvait plus, ne tarissait pas d'éloges pour ses auteurs, La maison remue-ménage. Oui, féministe. Et oui. Je termine là-dessus. Boréal. Alors là, l'essai de Mathieu Boccoté, Fin de cycle. Ça concerne le souverainisme, le Parti québécois. Fin de cycle, c'est paru en 2012, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Je te remercie, René Bolduc. On va écouter un petit peu de musique et on revient avec Pierre Gagnon. T'es prêt? On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours sur les ondes CKRL avec Barbe Rank et je suis accompagnée de Pierre Gagnon. Salut Pierre, comment ça va? Hey, ça va bien, Barbe. Ça va très bien. Tu as un très beau nouveau livre qui s'appelle Beretta, c'est un joli nom, c'est un quatrième roman. Et vraiment, là, je suis confuse. Je n'avais jamais rien lu, toi. On s'est croisés dans les parties chez des gens, c'est vrai. Mais. Je te pardonne. Ah, pfiou. Merci. Il y en a plus comme toi. Ben, on va changer ça. Là. Ce livre-là, il m'a jeté un peu à terre. Bon, on suit Rose, une jeune fille. Elle a quoi? 11, 12, 13, 14 ans dans ces eaux-là. C'est une jeune préadolescente, qui est obèse, qui vit seule avec son père, qui est à la recherche de sa mère. Et qui va faire une fugue pour trouver sa mère. Ouais. Et à partir de là, rentrer dans un monde mélange glauque et burlesque. Il y a des deux, hein, un petit peu. Qu'est-ce qui t'a animé pour écrire ça? Ah, écoute, je suis toujours un peu attiré par le côté humain des personnages. Ouais. Hein, tu sais, ben, quand j'avais écrit 5 effus, c'était bon, les gens malades, les gens qui combattaient le cancer. Ça, dans le cas de Rose, ben, c'est un peu le milieu des gangs de rue, mais pas le milieu des gangs de rue avec le fusil dans le front puis les deals de dope. Non, il est dans sa coche. Ça m'intéresse moins. C'est leur côté émotif de ces jeunes-là. Ouais. Et c'est ça qui m'a allumé. C'est que, bon, ce qu'on lit dans les journaux, c'est toujours le drame puis c'est toujours dégueulasse, mais ces gars-là, ces filles-là sont des êtres humains et j'ai voulu fouiller, savoir comment ils vivent leur... Il y a un côté jubilatoire, ça. Ouais. Et Rose, elle vit quelque chose, vraiment. Elle se découvre, je pense, une beauté. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Mais t'as raison. Puis au travers le drame, puis au travers ce qu'il y a de plus, un peu plus laid dans son épopée, elle découvre aussi l'espoir. Ouais. Elle saurait dire à Fuentes, son espèce de pimp, elle saurait dire « Tu m'as peut-être menti tout le temps, mais t'as fait naître l'espoir. » Oui, et elle s'est sentie désirée quand même aussi dans ce temps-là, même si, effectivement, comme toi, moi j'ai 3 filles. Ouais. Fait que je suis là, d'un côté, je trouve ça, il y a un côté dégueulasse, quand on se dit, ah, c'est vraiment, il y a un côté dégueulasse, mais on sent qu'elle est heureuse là-dedans. Il y a quelque chose qu'elle retrouve là-dedans. Est-ce qu'on peut un peu parler du père? Ah ouais? Ce père présent, absent? Ouais. C'est un drôle de mélange, non? Oui, c'est un drôle de mélange. Puis c'est un père qui est un spécialiste des communications, qui est à sa retraite. En plus. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, capable de parler de tout à peu près n'importe qui, sauf qu'il est incapable de parler à sa fille. Puis malheureusement, moi, je te dirais que, tu sais, j'ai pas à te l'apprendre, tu sais que ça existe. Moi, je viens du milieu de la publicité, je viens du milieu des communications, puis j'ai rencontré des hommes, des femmes qui étaient des grands spécialistes de la communication, sauf... Quand c'était privé. Ça valait le coup. Quand, dans la vie privée, ça foire un petit peu. Hein? Ouais, parce que on sent qu'il aime sa fille. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est pas qu'il l'aime pas. Même cette mère absente l'aime quelque part. On parle d'amour là-dedans. Hein? Mm-hmm. On parle d'amour, d'espoir. C'est ce qui nous tient. Mais c'est pas facile de gagner sa cote d'amour. Je non, hein, c'est... comme tout le monde, comme la vie au quotidien. Est-ce qu'on élève bien nos jeunes, nos ados? Ben, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas venu ici pour te dire... Non, mais je me posais la question, je suis là-dedans. Hein, moi aussi. Je me pose vraiment la question à quel point qu'on y arrive. Ton point de vue non spécialiste, tiens. Non spécialiste, je pense qu'on échoue. Je pense qu'on passe notre vie à échouer dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait. Ouais. Mais, attends, je suis pas en train de te dire que... Parce que là, mon espoir est en train de caler, là. Pas du tout. C'est en rencontrant les difficultés qu'on devient meilleur. Tu sais, je fais de la course à pied, je suis un cycliste... plus c'est difficile, puis plus j'ai envie d'abandonner, plus je me pose la question, écoute, il n'y a pas quelque chose que tu peux aller voir, que tu peux aller chercher là-dedans, dans cet effort-là. C'est ce que je veux dire. On échoue, mais il faut se servir de cet échec-là, cette difficulté-là, pour aller plus loin. C'est comme ça, je pense, que l'homme est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a fait des grandes choses. C'est en ayant de la misère, puis en contournant la misère. Pour moi, en tout cas, ça m'a sauté d'en face quand j'ai rencontré le cancer sur ma route. C'était pas facile de passer au travers. J'ai... Ben, ça t'a fait écrire ton premier livre. Ben oui, voilà. Si j'avais pas été malade, j'aurais pas écrit. Ne vous en déplaise. Ça aurait été triste, sérieusement, parce que vraiment, là, j'ai le goût de retourner en arrière et lire les trois autres. Ouais. Comment on fait pour rester en communication avec les jeunes? C'est difficile. Tout particulièrement. Je te dirais, je ne veux pas vendre le punch, mais lorsqu'elle retrouve sa mère, Rose, elle lui dit « pas besoin de mentir tant que ça. Mmh. Arrête de parler. » Au lieu de mentir, ouais. C'est ça. Parle pas. Je pense que j'ai l'impression, moi, que ma fille a appris beaucoup de mes actions. Mm-hmm. De mon blabla, j'ai essayé d'en faire le moins possible, même si j'ai une grande gueule, puis elle a dû retenir quelque chose, mais je pense qu'elle a retenu ce que j'ai fait, surtout. Je pense que le bilan, c'est ça. C'est l'exemple qu'on donne. Oui, l'exemple. Puis même quand on veut pas, quand on n'essaie pas de créer, de faire l'exemple, quand on tombe aussi, de voir sa mère ou son père tomber, c'est une grande expérience. Faut pas faire croire que tout le monde est Lance Armstrong et que tout va bien. Non, effectivement. Surtout qu'il nous a prouvé lui-même que ça n'allait pas si bien. Et moi, je me pose la question, à l'ère des petites machines, pour avoir des enfants qui ont des téléphones dans la main, un ordinateur devant eux, et nous, on n'est pas mieux. Hein? Ouais, on est là-dedans raison. Aussi. L'écoute s'en va où? L'écoute s'en va chez Liab, c'est sûr. Mais on est en train de créer une nouvelle écoute. Fait que je ne veux pas faire le vieux radoteux et dire on se trompe en s'en allant vers des trucs plus modernes. Peut-être qu'on est en train de changer. Mm-hmm. Puis peut-être que c'est pas pour le pire. Je suis beau. Je me pose les mêmes questions que toi puis que bien du monde. Je le sais pas. Mais je pense que la base, c'est qu'on est des êtres humains. Il faut toujours bien continuer à communiquer. Qu'on communique par un iPhone ou en se voyant, en prenant un café, je ne sais pas. Moi, je suis de la vieille école, j'aime mieux prendre un café, mais je sais pas. Moi aussi, mais je me rends compte que... En pleine crise d'adolescence, le texto, ça adoucit les mœurs. Ouais. C'est difficile d'envoyer se promener quelqu'un en écrivant. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire un truc aussi, on entend beaucoup de cas d'intimidation via le web et tout ça, mais ça sert pas juste à ça. Non, c'est ça. Si du jour au lendemain, on décortiquait, on sortait les messages, puis il y avait des, on publiait à une des journaux les beaux messages qu'il y a dans les courriels, ça ferait du bien. Ben, moi, il me semble que ces jeunes-là se disent beaucoup plus souvent qu'ils s'aiment que nous, on le faisait à notre génération. En tout cas, moi, j'ai une certaine pudeur de l'exprimer. Que mes enfants n'ont pas avec leurs amis. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même vraiment beau, non? En tout cas, moi, je trouve ça très, très beau et je me dis, je suis toujours très fière d'avoir contribué à avoir élevé cette génération-là, d'une certaine manière. Ouais. Il y a ce changement-là et je le sens aussi dans Rose, ça, ce besoin de se dire, de se partager, non? Bien sûr. Mais c'est ça. C'est ce que. Écoute. J'aurais pu tomber dans le glauque, effectivement, puis d'écrire. Facile. On le sait, il y en a plein, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. On sait que les jeunes ont de la misère, on sait que les jeunes font des niaiseries, Mais au travers de tout ça, justement, à l'intérieur de ces jeunes-là, il y a un cœur. Oui, effectivement. Moi, c'est ça qui me connecte, moi. De toute façon, je laisse l'autre job aux journalistes. C'est quoi ton prochain projet? Je ne sais pas. Encore, mais je peux te dire que c'est encore à caractère social. C'est les gens qui m'intéressent. Ouais. C'est l'homme et la femme, l'homme et sa fiancée, comme dit Foglio. Oui, et sa fille. Oui, et sa fille, bien sûr. Bien sûr, c'est l'avenir. Moi, je suis déjà un vieux crouton, je vais avoir 57 ans, mais... De nos jours, c'est jeune, hein? Je sais pas. Quand nous, on était jeunes, 57, c'est un vieux crouton, mais ça l'est. Il y a des croutons sympathiques. Ben, t'en fais partie. Je te remercie. Merci pour ce beau livre, Beretta. C'est un joli nom. Toutes les livres, les revues dont on a parlé aujourd'hui, on les trouve sur la page Facebook. On peut aller cliquer « J'aime » et aller voir ça. On fait une petite pause et on revient avec ce qui s'en vient au Salon du livre. Merci, Pierre Gagnon. Merci. À bientôt, Marbelle. Vous a été présenté en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Revenez-nous demain, dès midi. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la Boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'Hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. On est de retour à l'émission Les Bouquins d'abord. C'est déjà presque la fin de l'émission. J'ai reçu aujourd'hui Marie Laberge, présidente d'honneur de l'émission, Denis Lelièvre qui est venu nous parler de son salon, Alain Beaulieu qui est venu nous parler de son dernier livre, Le Festin, de très beau festin de Salomé. Vous avez entendu une table ronde des revues culturelles. Il y avait des représentants de la revue Nuit Blanche, Capodiamant, Continuité, Solaris et Alibi qui étaient avec moi. René Bolduc est venu nous parler des publications en philosophie et je viens de m'entretenir avec Pierre Gagnon qui nous a parlé de son dernier livre, Beretta, c'est un joli nom. Ça aussi, un très beau roman sur une jeunesse qui se cherche. Demain, à midi, on va être de retour. Jacques Vaillancourt va venir nous parler de science-fiction, de polar. Je vais recevoir Gino Lévesque qui a écrit un livre où il ne répète pas un mot. Laurane Cantric, une auteure bordelaise qui est en résidence ici à Québec, qui va nous parler du livre Un ami et le mangeur de son. Milena Babin qui vient nous parler des fantômes Fume en cachette. La BDiste Estelle Bachelard, connue comme Bac, qui va parler de C'est pas facile d'être une fille. Sylvie Nicolas qui vient nous parler des variations Burroughs et Jean-Jacques Pelletier avec qui on va parler des questions d'écriture. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au salon? Il y a des rencontres d'auteurs. Vraiment, là, si je ne travaillais pas cet après-midi, je resterais pour voir à 15h30 la rencontre d'auteurs d'Alexandre Jardin, bien connu pour Le Zèbre, etc., Serge-Patrice Thibaudeau, qui est un poète acadien, et Hans-Jürgen Greif, un auteur ici de Québec, qui est sur le point de publier un recueil qui s'appelle « Écharde », très beau livre. Et à 16h30, une rencontre d'auteurs avec Marie Laberge. À 18h, évidemment, la cérémonie d'ouverture. Et à 19h, la remise du prix Champlain de la fiction et érudition. Tout ça, c'est à la grande scène Archambault. À 19h15, il y a... est-ce que je me mêle dans les journées? Non, tout va bien. Une table ronde de la poésie et sa géographie avec Michel Plot, qui est maintenant notre poète au Parlement à Ottawa. Serge-Patrice Thibaudeau encore et Thierry Dimanche, un poète de la ville de Québec qui s'est exilé dans le Nord. Demain... une table ronde « Lire et faire lire » avec Alexandre Jardin et Marie Laberge à 11h sur la grande scène Archambault. Et à 13h30, tout de suite après la fin de notre émission, « Les enjeux de la littérature haïtienne » avec Émilie Prophète, Marc-Andy Simon et Evan Divèche. Et à 14h, une rencontre d'auteurs avec Pierre Gagnon, qui vient de nous quitter, et Jean-Jacques Pelletier. Et à 15h, une rencontre d'auteurs avec Marie-Claire Blais. Demain, c'est aussi la remise des prix à 17h à la Sainte Jeunesse des Jardins. Je vais être là pour le prix Alibi, mais il y a aussi...